Évidemment, comme on le fait tous les étés, on essaie de faire le tour des Québécois qui évoluent dans le baseball affilié. Et cette année, ben, on va essayer au moins de parler à quelques-uns. Et on va commencer avec Francisco Hernandez, qui joue avec les Chiefs de Peoria, filiale A de l'organisation des Cards de Saint-Louis. Et Francisco comprend le français, par contre, il n'est pas capable de le comprendre, de le parler. Puis moi, comme je suis pas capable de le comprendre et de le parler, ben, je fais appel à mon traducteur pour les revues, les entrevues en anglais. Michel Dugas, c'est Michel. Salut Danny. Et Francisco, je sais que tu me comprends bien. Donc, salut Francisco. Et je pourrais dire, off the record, c'est pratiquement dans la famille parce que Michel, Francisco, est le copain de la fille de mon cousin. Donc, Ce qui c'est. explique probablement qu'il comprend le français, pourquoi il comprend le français, non? Oui, il comprend un peu le français. Il comprend très bien le français. Moi, c'est Jacques Lanchet qui m'a parlé de ça. Bonjour, Francisco, d'abord. Alors. Et première question que je vais poser à Francisco. Il joue dans l'organisation des Cards de Saint-Louis, filiale A. Comment va sa saison, Michel? Okay, Francisco. Well, pleased to meet you, first of all. Listen, how's your season going so far? Oh, sorry. My season's going good. We're trying to adapt to the new level that I am, because as you guys know, I started in low A at the beginning of the season and now I'm in high A. So like we're trying to adapt. I mean, I'm adapting pretty good. Like I feel comfortable, but we're still working on it. OK. Donc, ce que Francisco nous dit, Danny, c'est qu'il a commencé la saison dans le A faible ou le A mineur, et maintenant il est dans le A fort, donc il faut qu'il s'adapte. Mais il dit que ça va, il est quand même assez confortable et que ça va quand même assez bien jusqu'à maintenant. OK. Donc, Michel, c'est une question. On va y aller en alternance. En français, par la suite, pose en anglais. Donc, moi, je vais lui demander c'est quoi quelle est la différence principale entre le A moins fort et le A plus fort. Francisco, you're saying you have to adapt to the level of play where you're at right now. So, what is the biggest difference between A minor and the A strong where you're playing right now? Well, one, where I was, the fans, there's a lot more fans here. Two, like the players, they have more experience. So like they're more mature. Like you really have to like not like mentally, you can't really get into your head that much, because then after you start going down, the main thing is to maintain yourself at a level where you can compete at the same level where they're at. OK. Donc, ce que Francisco nous dit, c'est que la différence entre le A moins fort et le A fort, là où il joue présentement, c'est que les joueurs ont un peu plus d'expérience. Donc, mentalement, c'est plus difficile de jouer avec leur mental, pour utiliser l'expression des boys, là. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est que dans le A fort, il faut que tu sois toujours à ton mieux pour être capable de pouvoir survivre dans cette ligue-là. OK. Il joue dans une bonne organisation, les Cards de Saint-Louis. C'est une organisation hors pair. C'est une des bonnes organisations du baseball majeur. Est-ce que ça paraît au niveau des ligues mineures également? Est-ce qu'ils traitent bien leurs joueurs? Est-ce qu'ils sont bien. Est-ce que c'est une bonne organisation, les Cards? What Danny is asking for Francisco is that he's saying that the St. Louis Cards are one of the best or classiest organizations in all of Major League Baseball. Does it show in the farm system? Are you well treated by the organization so far? Yes, I can say that they treated me very well. They care about their minor leaguers. Like everything at this point from now on, like everything's going smooth. Everything's going. I'm happy the way they're treating me. Like their farm system is like a great system. The way they teach their players, the way they go about their business, the way we play the game, it's totally different from other orgs. OK. Ce que Francisco nous dit, Danny, c'est que oui, ça paraît que c'est une organisation de première classe, les Cards de Saint-Louis, dans la façon dont qui traitent leurs joueurs, et également dans la façon dont ils enseignent le baseball. Et ça paraît lors des matchs également. Donc, il y a des. Ce qui nous dit, c'est ça, c'est que c'est une des principales différences entre les Lakers de Saint-Louis et les autres organisations. Francisco parlait également là, du fait les fans. Il y a beaucoup plus de fans dans le A fort que dans le A moins fort. Là, donc, ça aussi, évidemment, ça fait une différence là, lors d'un match. OK. Merci, Michel. C'est une autre question. We were talking about the coaching and the way they approach the game, the way they teach the game. What have you learned? What is the biggest thing you have learned so far by being in the Cardinals organization? Well, I've learned always to play hard. That's one thing they really emphasize is to play hard. Like the little we play, like the littlest thing matters on the field, the way you go about your business, the way you treat the fans, the way you treat the coaches, the way the coaches treat you. Like they want to make sure that you're always comfortable with the players. They want to make sure the coaches are comfortable with the players are comfortable with the coaches. So like that's a really big thing that they care about. Ce qu'il dit, Francisco, Danny, c'est que c'est tout est dans les petits détails. En fait, je lui ai demandé... Oui, j'aime ça. Moi, c'est que tu poses des questions en français. Moi aussi, pareil. Oui, je lui ai demandé comment, quelle était la différence là, avec la façon dont on a parlé tantôt de la façon dont ils enseignent la game. Je lui ai demandé, c'était quoi la principale chose que tu as apprise? Puis il dit, c'est... comment aborder un match, comment traiter tes coéquipiers, comment traiter tes coachs, comment traiter les fans, l'interaction entre tout ce monde-là. Donc, c'est un peu ce qu'il dit, c'est tu apprends à bien traiter les gens, puis les coachs te traitent bien, donc tu traites bien les coachs, et donc ça permet... C'est dans les petits détails ce qu'il dit là. Les Cards de Saint-Louis ont quand même... C'est un joueur de troisième but. Les Cards de Saint-Louis ont Nolan Arenado. Qui est un des meilleurs joueurs de troisième but du baseball majeur, des gants dorés. Au premier but, c'est Paul Goldschmidt. Normalement, un joueur de troisième but joue au premier but par la suite. Comment il voit son avenir dans l'organisation des Cards, étant donné qu'Arenado est là pour une couple d'années sûrement, Goldschmidt est la même chose. Comment il se voit, lui? Est-ce qu'il pourrait déménager comme voltigeur? Est-ce que c'est quelque chose qu'il envisage? Francisco, Danny is asking, talking about the fact that the Cardinals are presently well endowed with third baseman, with Arenado. And there's sometimes a transition between third base and first base, but there's Paul Goldschmidt that's there too. So with the Cardinals being well tooled at these positions, are you considering moving to another position for outfield, for instance? Well, right now I've been playing middle infield, shortstop, second, third base. Okay. So, like, whatever, I mean, everything's in God's hands, right? So, whatever happens. There's other teams that I'm going to be playing for on the field. I know other teams are watching me. So, like I said, whatever happens, I'm going to play my best. I wish everybody the best. Yeah, that's it. OK. Donc, ce que nous dit Francisco, c'est que présentement, on le fait jouer à plusieurs positions. Il joue deuxième but, haricot, voltigeur. Donc, il se garde des portes ouvertes. Il dit également que, évidemment, quand il joue sur le terrain, il y a une autre équipe en face de lui. Il y a d'autres organisations qui le regardent, qui l'ont à l'œil. Donc, si ce n'est pas avec les Cards de Saint-Louis, ça pourrait être avec une autre organisation, mais pour l'instant, il se dit... en espagnol, on dirait « que sera, sera ». OK. Donc, ce qui va arriver, va avoir arrivé, mais en attendant, il donne toujours... comme on dit en bon québécois, il donne toujours son 110% là, sur le terrain. Michel, continue. Oui. Donc... Pour en français, s'il te plaît, avant. Oui, évidemment. Parce que... Donc, okay. Ouais. Je voulais demander à Francisco justement là, si il est quand même dans le A fort, il a seulement 21 ans, il a encore le temps de se développer. On parlait tantôt du fait que les cards sont bien outillés, mais il va avoir le temps, j'imagine, aussi là, de pouvoir se développer. Francisco, what I was about to ask you is the fact we were talking about the fact that the cards were well endowed with current players in third and first base. But you're only 21. You're now in strong A. Mm-hmm. You have plenty of time to develop as a mature baseball player. So do you think by the time that you reach your full potential, the Cards are going to be needing you? Well, good question. I mean, I think they see something in me now that I'm with them. Like, I've been with them since I was, like, 17. They obviously see something in me. I'm going to keep on doing my job, control what I can control. Hopefully, I develop as a good, mature baseball player. And from there, we'll see what happens. Well, that's a very mature way to answer a question. On me l'a dit d'ailleurs que c'est un gars qui a une seule tête sur les épaules. Je t'ai compris, là. Effectivement, puis pour traduire ce que Francisco vient de dire, c'est que il dit que les Cards ont vu quelque chose en lui. Il est dans l'organisation depuis l'âge de 17 ans. Donc, ils ont eu le temps un peu de le regarder, de voir de quoi il en retourne. Et il se dit que si les Cards voient quelque chose en lui, lui, tout ce qu'il a à faire à ce moment-là, c'est de jouer à son plein potentiel et d'être capable de leur montrer ce dont il est capable. OK. Moi, je voudrais lui parler du baseball mineur, la vie d'un joueur de baseball dans les ligues mineures. On sait que l'an dernier, le baseball majeur avait annoncé une réforme des joueurs du baseball mineur. Ça aurait permis d'améliorer les salaires, de mieux payer les joueurs, semble-t-il. Moi, je me rappelle, j'avais fait une entrevue avec Abraham Toro, il y a 2 ou 3 ans. Il gagnait, je pense, 1200 piastres par mois, là, pas par semaine, là. Il était 3 dans l'appartement. Heureusement que c'est son contrat, c'est son bonus de signature qui a fait en sorte qu'il était capable de vivre humblement, mais un petit peu. Autrement dit, de vivre considérablement à un rythme de vie pas pire. Est-ce que depuis qu'on a annoncé la réforme du baseball mineur, est-ce que ça a changé? Est-ce que les joueurs sont mieux payés? Comment que ça se passe? Okay. Francisco, last year, Major League Baseball announced the reform of the farm systems in general, notably regarding the salaries. Danny had an interview with Abraham Toro, which you probably know. Yes, yes. You probably know. And he was telling him about the tough conditions at the time in the farm systems all around, especially the Mets farm system. It was his signing bonus that helped him get by at that time. With the reform right now, did you see a change in the conditions you're playing in right now? Like the conditions as in? Well, salary and all the surroundings. The lifestyle in the minors. Yeah, I can say that it's gotten better from what I've heard in the past. It's gotten better now. There's a lot that can be fixed and more. It can be like more better, but we can say that it's gotten better. It's gotten better from the past few years that I've been with the Cardinals. It's gotten better, a lot better. What would you like to see as an improvement, for instance? Improvement, like the pay, we were getting paid a little bit more. Back then, we used to pay for our food, but now the team is paying for our food. But you said there are things to be fixed. What would you like to see fixed? What would I like to see fixed? Yeah. The stay. I mean, like when I was in, like, I mean, I know it's been like that for like basically all the years minor leagues has been around, like how the minor leagues have to pay for their stay. Like during the season, we have to pay rent. I would like to see that fixed, to be honest. OK. Bon, je me suis permis d'une sous-question, Danny, ouais. Parce que Francisco a apporté un bon point. Bon, lui, évidemment, il a vu des améliorations au niveau du salaire, oui. Il parle aussi du fait qu'à l'époque, Les joueurs devaient payer pour leur propre nourriture. Maintenant, c'est fourni par l'équipe. Ah, c'est pas bien. J'imagine qu'avec les programmes de nutrition, il y a sûrement quelque chose à voir ouais, là-dedans. Ouais, ouais. Et il a dit, il y a des choses qui sont améliorées, mais il y aura encore d'amélioration à y avoir. Comme, et c'est là que je suis intervenu, je lui ai demandé, ben, qu'est-ce que tu aimerais voir améliorer, par exemple? Okay. Et il dit, au niveau du logement, présentement, les joueurs doivent se loger et avec le salaire qu'on leur offre, doivent payer pour leur propre appartement. Il dit qu'il aimerait ça peut-être voir éventuellement que les organisations puissent fournir le logement là, à leurs joueurs à ce moment-là. OK. As-tu une autre question? Moi, je vais revenir sur la réforme encore. OK. J'aimerais peut-être lui demander au niveau de ce qui se passe au niveau à Peoria, comment ça se passe au niveau à l'extérieur du terrain. Okay. Parce qu'évidemment, là, la vie d'un joueur de baseball, ça se passe entre les lignes, mais il y a aussi la vie à l'extérieur du terrain. Je suis pas sûr que Catherine va s'inquiéter, parce qu'à Peoria, ça doit être tranquille pas mal. Non, mais vas-y, là, c'est un inside joke, là, mais ouais. Ça doit être très tranquille. Francisco, il a compris très bien. Vas-y, voir. I guess, Francisco, you understood what we were talking about since you seem to understand French, but I'm still going to ask. I understood what the cousin said. I'm still going to ask you the question. The baseball life, the living of a baseball player in the farm systems, it's inside the lines, but it's also outside the lines. Mm. You're in Peoria, Illinois. How's it going so far? What's it like living in Peoria and all the surroundings? Well, Danny told you, well, Catherine, it seems like a small town, so your girlfriend doesn't have to be worried about anything. Yeah. Well, there's really nothing to do out here, to be honest. Like, the nearest gas station, walking distance, Walmart, like, near around there is, like, 20-minute walk. Wow. Sometimes I don't want to walk that, but then again, you have to get food to eat, like on your off days. But there's really nothing to do around here. All I do is practice, play, and then come back to this hotel and stay in the hotel, watch my TV shows on Netflix. That's it. Rest. That's all I gotta do. Thanks. On voit que... On voit que Francisco est vraiment dédié à son sport. Mm. Il dit qu'à Peoria, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. La station-service la plus proche et le Walmart le plus proche sont à 20 minutes de marche. Des fois, ça ne me tente pas toujours de marcher 20 minutes pour pouvoir aller manger ou pouvoir aller en ville. Donc, très souvent, son rythme de vie, ça se résume à je pratique, je me retourne à l'hôtel, et je regarde mes séries télé préférées sur Netflix. OK. Moi, on va passer deux questions, Michel. Je veux revenir sur la réforme du baseball mineur encore. L'an dernier, ils ont coupé beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs de ligue mineure qui ont perdu leur emploi. Est-ce que lui, à un moment donné, il a senti une pression? Et est-ce que cette année, il sent une pression supplémentaire? Parce qu'il y a moins d'équipes actuellement dans le baseball mineur. Francisco, Danny wants to come back about talking about the reform of the farm systems in Major League Baseball. He's asking, were you worried at all? Because many teams have folded and many players have lost their jobs. Were you worried at all that your career could have ended prematurely because of that? Well, at one point, because during COVID times, like, everything was just going wrong, quarantine. I mean, there wasn't really much to do back home. Nothing was open. The thought, I can't lie, yes, the thought came to my head. I was nervous a little bit. But then when I received the news that, like, I was going to spring training, that kind of brought me up a little bit and I got into the right mindset. And, like, now playing, I've not that much stress on me, but like I said, I'm controlling what I can control. I'm going to play my best, and whatever happens, happens. I can't control the rest. Okay. Ce que Francisco dit à propos justement de, de ce dont tu parlais, Danny, c'est oui, l'an dernier, avec la COVID et avec tout ce qui s'est passé, c'était pas facile. Il avoue que par moment, il était un petit peu nerveux par rapport à son avenir, mais à un moment donné, il a reçu des nouvelles comme quoi il est invité au camp d'entraînement Ouais. de printanier des Cards. Et là, ce qui s'est dit, c'est je vais faire de mon mieux, je vais donner toujours mon 100% sur le terrain, puis ce qui arrivera, arrivera. OK. Sur une question, Michel, puis après ça, moi, je vais y aller avec une dernière question. You have an approach. Your philosophy seems to be whatever happens, happens. You try to you control what you can control. This is a very pragmatic approach to baseball. What do you think is the main quality that's going to make you a successful major leaguer in the future years? Good question. Well, to be honest, practice makes perfect, right? So that's when consistency comes in. So I want to try and build the most consistency I can and bring it onto the field so I can help my team win every single day and make it to the big leagues, which with every team that sees that I'm a big leaguer, I can make it, and that's it. Bon, j'ai demandé à Francisco, je lui ai dit, bon, depuis tantôt, tu nous dis que tu essaies de contrôler ce que tu peux contrôler, que ce qui arrivera, arrivera. Il l'a dit au moins 3 fois dans l'entrevue jusqu'à maintenant. Je lui ai demandé, qu'est-ce qui fait en sorte, j'ai dit, tu as une approche très pragmatique du baseball. Qu'est-ce qui fait en sorte, quelle est la principale qualité qui fait en sorte que tu vas devenir un bon joueur dans les ligues majeures? Et ce qu'il m'a répondu, c'est, évidemment, pratiquer, s'entraîner, practice makes perfect. On s'améliore en pratiquant. Il a dit justement que ce qu'il veut montrer aux autres équipes, parce que, évidemment, quand on est dans les ligues mineures comme il l'est présentement, ce qu'on veut faire, c'est évidemment démontrer son talent. Là où il a travaillé, c'est sur sa constance. Donc, donner les performances constantes à chaque match, donner tout ce qu'il a sur le terrain. Et justement, quand les équipes vont le voir jouer, de voir qu'il est capable d'offrir toujours les mêmes excellentes performances sur le terrain. Dernière question, moi, si un joueur des majeurs, à qui il se compare? What major league player would you compare yourself to right now? What is the player you want to emulate to get to the majors? My favorite I've always wanted to be like him is Adrian Beltre. Oh, OK. Ouais. Il est à Cooperstown. Not a bad example. He's on Il est à Cooperstown. Cooperstown. C'est pas si pire quand même comme comparaison puis modèle. C'est quand même bon, là. Michel, une dernière question ou on va laisser Moi, tout le monde? ça va. OK. Je pense que. Ben, Michel, je te remercie encore beaucoup, beaucoup encore de ta collaboration. C'est grâce à toi qu'on permet les entraînements en anglais. C'est un gros plus pour Dan Radio Sport cette année. Merci beaucoup. Francisco, merci. Je sais que tu nous comprends très bien. Fait que merci beaucoup. Et peut-être qu'un jour, on va avoir à se rencontrer personnellement. Donc, et nous, ben, on peut vous dire que c'était Francisco Hernandez de l'organisation des Cards de Saint-Louis. Merci Merci, c'était beaucoup. très intéressant. Merci, Merci. Michel. Thanks a lot. Merci Merci, c'est beau, de rien salut. Merci, c'est beau. de la vie, ça me fait plaisir. Merci.